Chapitre 18. Sympathie. Cette scène de sauvagerie avait cependant un témoin compatissant. Il est presque superflu d'ajouter que c'était une femme, car le village ne comptait pas un seul homme qui eût osé prendre parti contre les brigands. Pendant leur séjour, ces derniers se considéraient avec raison comme complètement maîtres de la place. Leur autorité n'était guère moins absolue quand ils en étaient éloignés. Leur repère se trouvait dans le voisinage et ils pouvaient au premier moment envahir le village et le livrer au pillage et à la destruction. La femme dont le cœur sympathisait avec les souffrances du jeune Anglais était encore une jeune fille. Et bien que le syndic du bourg fût son père, elle ne pouvait rien pour le sauver de ses persécuteurs. L'autorité intermittente même de son père eût été en ce moment déployée en pure perte. Elle devait renfermer en elle-même tous ses sentiments. Debout sur le balcon de ce qui semblait être la plus belle maison du village, elle présentait un type que l'on ne rencontre que dans la campagne de Rome. Une combinaison de toutes ces grâces classiques que nous associons dans notre esprit avec les jours de Lucrèce. Beauté splendide, unie à une physionomie reflétant la plus parfaite pureté virginale. Et, pour compléter l'analogie, au-dessous d'elle, une rue pleine de tarquins. Elle semblait un agneau solitaire au milieu d'une agglomération de loups, sous la garde sénile de son père et du curé du village, de la loi et de l'église, toutes deux en pleine décadence parmi cette population viciée jusqu'à la moelle. Cette jeune fille offrait, avec son entourage, un contraste tellement apparent que le jeune Anglais ne pouvait manquer d'en être frappé. Depuis le retour de l'amende, elle n'avait pas bougé du balcon, et comme ce balcon n'était pas éloigné du lieu où les brigands avaient permis à l'artiste de s'asseoir, le jeune homme avait pu l'examiner à son aise et noter tous ses mouvements. Il remarqua qu'on ne l'abordait pas de la même façon que les autres filles du village, mais des coups d'œil luxurieux la forçaient souvent à baisser la paupière, et des plaisanteries grossières bruissaient tout près de ses oreilles. Ses regards s'étaient maintes fois portés sur le prisonnier, qui crut y lire une sympathique compassion. Cette pitié pouvait n'avoir pour objet que sa déplaisante situation, au moins s'exprimait-elle d'une fort agréable manière. En considérant cette Italienne au teint doré par le soleil, il songea à Belle Mainwaring. Mais jamais, depuis son exil volontaire, le ressouvenir n'avait été moins amer. Peu à peu, il se sentit envahir par un étrange soulagement moral, qu'il attribua uniquement à l'humiliation causée par sa captivité. Un chagrin présent chassant un chagrin passé. Quelque chose lui dit que cet apaisement pourrait bien n'être pas temporaire. Il n'aurait pu expliquer pourquoi. Seulement il sentait que s'il lui était permis de plonger assez longtemps ses yeux dans ceux de cette vierge romaine, il pourrait penser à Belle Mainwaring avec calme, et peut-être l'oublier tout à fait. Pendant cette heure de captivité, il se sentit plus heureux qu'il ne l'avait été pendant les deux dernières années de sa vie de liberté. En contemplant la magnifique statue vivante qui semblait posée exprès pour lui, il s'inspira plus, en une heure, qu'il ne l'avait fait en étudiant toutes les sculptures de la ville éternelle. Ce bonheur naissant n'était cependant pas exemple d'inquiétude. Henri remarqua que la jeune fille ne le regardait qu'à la dérobée. Aussitôt que leurs yeux se rencontraient, elle détournait rapidement les siens. Ce naïf mouvement de pudeur aurait rempli son cœur d'une joie profonde, s'il n'en avait bientôt découvert la cause. La jeune fille était soigneusement observée, non pas par son père, ce qui eût pu inquiéter Henri, mais par le chef des bandits, qui la coupe en main, assis en dehors de la petite auberge, tenait ses yeux rivés sur la maison du syndic. Sous la persistance de ses regards, la jeune fille parut mal à l'aise et quitta le balcon. Le bruit de la lutte entre le prisonnier et les brigands l'y ramena. Tout en se débattant, Henri ne cessait de la regarder. Ses yeux ne la quittèrent pas quand il fut garrotté et tandis que les coups pleuvaient sur lui. Le sentiment de son humiliation, celui même de la douleur, s'effacèrent devant le coup d'œil qu'elle lui lança et qui semblait lui dire « Courage et résignation. Si je le pouvais, je descendrais du balcon. Je me jetterais au milieu de vos bourreaux pour vous arracher de leurs mains. Mais la moindre marque d'intérêt de ma part serait le signal de votre mort. » C'est ainsi qu'il traduisit l'expression qui, pendant un instant trop court, illumina la physionomie de la jeune fille, et il en ressentit à la fois une grande joie et une profonde douleur. La nuit vint. À mesure que s'épaississait l'obscurité, la gracieuse image de la Vierge en balcon se faisait de moins en moins distincte, et finit par se confondre avec les ténèbres. Les bandits étaient entrés dans l'auberge avec les plus dégourdis des beautés villageoises. Il en sortit bientôt des sons d'instruments à cordes, violes et mandolines, accompagné de trépignements, d'éclats de voix, de cliquetis de verre, de malédictions et de querelles, l'une desquelles se termina dans la rue à coups de stylet. De la place où on l'avait laissé, solidement garrotté, le jeune Anglais ne perdait aucun des détails de cette orgie. Il n'était pas seul, d'ailleurs. Les brigands le surveillaient avec un soin bien différent de leur négligence antérieure. Ce contraste ne pouvait manquer de frapper le prisonnier. Son étonnement redoubla lorsque, à une heure avancée de la nuit, le chef, sortant en titubant de l'auberge, escorté par sa danseuse, donna au milieu des hoquets et des blasphèmes l'ordre de faire bonne garde. Ajoutant que si le lendemain matin les sentinelles ne lui représentaient pas la personne du captif, il les ferait impitoyablement fusiller. Henri reconnut bientôt que ce n'était pas là une vaine menace, lancée sous l'influence de l'ivresse, car aussitôt que le chef eut disparu, ses deux gardiens vinrent examiner ses liens et resserrer les cordes qui s'étaient relâchées. Ils en ajoutèrent même de nouvelles par surcroît de précaution. Grâce à leur adresse, conséquence naturelle d'une longue habitude, le prisonnier fut bientôt mis dans l'impossibilité absolue de s'échapper. Eût-il été disposé à le tenter. Et à ce moment, Henri aspirait à la liberté plus vivement que jamais. Les injonctions rigoureuses du chef, minutieuses précautions prises par les sentinelles, avaient éveillé dans son esprit une certaine appréhension. Se serait-on donné autant de mal pour une seule nuit de captivité, si l'on avait eu l'intention de le congédier le lendemain ? De plus, le messager envoyé à la ville était de retour. Henri l'avait vu entrer dans l'auberge pendant le bal, et, sans nul doute, le chef était en possession de ses 80 écus. Ce n'était donc pas cette rançon qui l'attendait pour lui rendre la liberté. Sa captivité devait-elle avoir un second chapitre ? Quelle cruelle torture lui était-elle réservée, en raison de l'incident survenu avant qu'il eût été garrotté ? Le coup porté à de Guidic pouvait être considéré comme une insulte faite à la bande tout entière. Et bien que le renégat fût fort peu estimé par ses compagnons, peut-être possédait-il assez d'influence pour les pousser à le venger. Le changement de conduite des bandits envers leurs prisonniers ne pouvait raisonnablement être attribué à une autre cause. C'est au moins ce que pensait Henri, et il déplora son mouvement de colère. Il se serait épargné ses regrets s'il avait connu le véritable motif du traitement qui lui était infligé. Le prolongement de sa captivité avait une origine beaucoup plus sérieuse que la haine que lui portait de Guidic, soit en raison du châtiment mérité qu'il venait de recevoir, soit pour des faits d'ancienne date. Il résultait d'un plan susceptible non seulement de ravir pour longtemps à Henri sa liberté, mais peut-être de lui coûter la vie. Quoiqu'il s'attendît à une sévère punition de la part des brigands, il ne se croyait exposé à aucun de ces périls. Et si pendant de longues heures il demeura éveillé, ce fut moins à cause de la préoccupation du châtiment prévu que par suite de la douleur que lui causaient les cordes trop fortement serrées autour de ses membres. En dépit de ses douleurs, en dépit même de la dure couche sur laquelle il reposait, et qui n'était autre que le caillouti de la rue, le sommeil finit cependant par clore ses paupières. Il dormit profondément jusqu'au moment où le chant des coqs et un vigoureux coup de pied, appliqué par un de ses gardiens, vinrent le rappeler au sentiment de sa situation.